Pierre et Jean de Guy de Maupassant, enregistré pour audiocité.net par Sylvie. Préface de l'auteur, le roman. Je n'ai point l'intention de plaider ici pour le petit roman qui suit. Tout au contraire, les idées que je vais essayer de faire comprendre entraîneraient plutôt la critique du genre d'études psychologiques que j'ai entrepris dans Pierre et Jean. Je veux m'occuper du roman en général. Je ne suis pas le seul à qui le même reproche soit adressé par les mêmes critiques chaque fois que paraît un livre nouveau. Au milieu de phrases élogieuses, je trouve régulièrement celles-ci sous les mêmes plumes. Le plus grand défaut de cette œuvre, c'est qu'elle n'est pas un roman à proprement parler. On pourrait répondre par le même argument. Le plus grand défaut de l'écrivain qui me fait l'honneur de me juger, c'est qu'il n'est pas un critique. Quels sont en effet les caractères essentiels du critique? Il faut que, sans parti pris, sans opinion préconçue, sans idée d'école, sans attache avec aucune famille d'artiste, il comprenne, distingue et explique toutes les tendances les plus opposées, les tempéraments les plus contraires, et admette les recherches d'art les plus diverses. Or, le critique qui, après Manon Lescaut, Paul et Virginie, Don Quichotte, Les Liaisons dangereuses, Werther, Les Affinités électives, Clarisse, Arlot, Émile, Candide, 5 mars, René, Les Trois Mousquetaires, Mauprat, Le Père Goriot, La Cousine Bette, Colomba, Le Rouge et le Noir, Mademoiselle de Maupin, Notre-Dame de Paris, Salambeau, Madame Bovary, Adolphe, Monsieur de Camors, L'Assommoire, Sappho, etc., ose encore écrire « Ceci est un roman et cela n'en est pas un », me paraît doué d'une perspicacité qui ressemble fort à de l'incompétence. Généralement, ce critique entend par roman une aventure plus ou moins vraisemblable, arrangée à la façon d'une pièce de théâtre en 3 actes, dont le premier contient l'exposition, le second l'action et le troisième le dénouement. Cette manière de composer est absolument admissible, à la condition qu'on acceptera également toutes les autres. Existe-t-il des règles pour faire un roman en dehors desquelles une histoire écrite devrait porter un autre nom? Si Don Quichotte est un roman, Le Rouge et le Noir en est-il un autre? Si Monte Cristo est un roman, L'Assommoir en est-il un? Peut-on établir une comparaison entre Les Affinités électives de Goethe, Les Trois Mousquetaires de Dumas, Madame Bovary de Flaubert, Monsieur de Camors de M.O. Feuillet et Germinal de Monsieur Zola? Laquelle de ces œuvres est un roman? Quelles sont ces fameuses règles? D'où viennent-elles? Qui les a établies? En vertu de quel principe, de quelle autorité et de quel raisonnement? Il semble cependant que ces critiques savent d'une façon certaine, indubitable, ce qui constitue un roman et ce qui le distingue d'un autre qui n'en est pas un. Cela signifie tout simplement que, sans être des producteurs, ils sont enrégimentés dans une école et qu'ils rejettent, à la façon des romanciers eux-mêmes, toutes les œuvres conçues et exécutées en dehors de leur esthétique. Un critique intelligent devrait, au contraire, rechercher tout ce qui ressemble le moins au roman déjà fait et pousser autant que possible les jeunes gens à tenter les voies nouvelles. Tous les écrivains, Victor Hugo comme M. Zola, ont réclamé avec persistance le droit absolu, droit indiscutable, de composer, c'est-à-dire d'imaginer ou d'observer, suivant leur conception personnelle de l'art. Le talent provient de l'originalité qui est une manière spéciale de penser, de voir, de comprendre et de juger. Or, le critique, qui prétend définir le roman et établir certaines règles invariables de composition, luttera toujours entre un tempérament d'artiste apportant une manière nouvelle. Un critique qui mériterait absolument ce nom ne devrait être qu'un analyste sans tendance, sans préférence, sans passion et, comme un expert en tableau, n'apprécier que la valeur artiste de l'objet d'art qu'on lui soumet. Sa compréhension ouverte à tout doit absorber assez complètement sa personnalité pour qu'il puisse découvrir et vanter les livres même qu'il n'aime pas comme homme et qu'il doit comprendre comme juge. Mais la plupart des critiques ne sont, en somme, que des lecteurs, d'où il résulte qu'ils nous gourmandent presque toujours à faux ou qu'ils nous complimentent sans réserve et sans mesure. Le lecteur qui cherche uniquement dans un livre à satisfaire la tendance naturelle de son esprit demande à l'écrivain de répondre à son goût prédominant et il qualifie invariablement de remarquable ou de bien écrit l'ouvrage ou le passage qui plaît à son imagination idéaliste, gaie, grivoise, triste, rêveuse ou positive. En somme, le public est composé de groupes nombreux qui nous crient. Consolez-moi, amusez-moi, attristez-moi, attendrissez-moi. Faites-moi rêver, faites-moi rire, faites-moi frémir, faites-moi pleurer, faites-moi penser. Seuls quelques esprits d'élite demandent à l'artiste. Faites-moi quelque chose de beau dans la forme qui vous conviendra le mieux suivant votre tempérament. L'artiste essaie, réussit ou échoue. Le critique ne doit apprécier le résultat que suivant la nature de l'effort, et il n'a pas le droit de se préoccuper des tendances. Cela a été écrit déjà 1000 fois, il faudra toujours le répéter. Donc, après les écoles littéraires qui ont voulu nous donner une vision déformée, surhumaine, poétique, attendrissante, charmante ou superbe de la vie, est venue une école réaliste ou naturaliste qui a prétendu nous montrer la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Il faut admettre avec un égal intérêt ces théories d'art, si différentes, et juger les œuvres qu'elles produisent uniquement au point de vue de leur valeur artistique en acceptant a priori les idées générales d'où elles sont nées. Contester le droit d'un écrivain de faire une œuvre poétique ou une œuvre réaliste, c'est vouloir le forcer à modifier son tempérament, récuser son originalité, ne pas lui permettre de se servir de l'œil et de l'intelligence que la nature lui a donnée. Lui reprocher de voir les choses belles ou laides, petites ou épiques, gracieuses ou sinistres, c'est lui reprocher d'être conformé de telle ou telle façon et de ne pas avoir une vision concordant avec la nôtre. Laissons-le libre de comprendre, d'observer, de concevoir comme il lui plaira, pourvu qu'il soit un artiste. Devenons poétiquement exaltés pour juger un idéaliste et prouvons-lui que son rêve est médiocre, banal, pas assez fou, magnifique. Mais si nous jugeons un naturaliste, montrons-lui en quoi la vérité, dans la vie, diffère de la vérité dans son livre. Il est évident que des écoles si différentes ont dû employer des procédés de composition absolument opposés. Le romancier qui transforme la vérité constante, brutale ou déplaisante, pour en tirer une aventure exceptionnelle et séduisante, doit, sans souci exagéré de la vraisemblance, manipuler les événements à son gré, les préparer et les arranger pour plaire au lecteur, l'émouvoir ou l'attendrir. Le plan de son roman n'est qu'une série de combinaisons ingénieuses conduisant avec adresse au dénouement. Les incidents sont disposés et gradués vers le point commun, et l'effet de la fin, qui est un événement capital et décisif, satisfaisant toutes les curiosités éveillées au début, mettant une barrière à l'intérêt et terminant si complètement l'histoire racontée, qu'on ne désire plus savoir ce que deviendront le lendemain les personnages les plus attachants. Le romancier, au contraire, qui prétend nous donner une image exacte de la vie, doit éviter avec soin tout enchaînement d'événements qui paraîtrait exceptionnel. Son but n'est point de nous raconter une histoire, de nous amuser ou de nous attendrir, mais de nous forcer à penser, à comprendre le sens profond et caché des événements. À force d'avoir vu et médité, il regarde l'univers, les choses, les faits et les hommes d'une certaine façon qui lui est propre et qui résulte de l'ensemble de ses observations réfléchies. C'est cette vision personnelle du monde qu'il cherche à nous communiquer en la reproduisant dans un livre. Pour nous émouvoir, comme il l'a été lui-même par le spectacle de la vie, il doit la reproduire devant nos yeux avec une scrupuleuse ressemblance. Il devra donc composer son œuvre d'une manière si adroite, si dissimulée et d'apparence si simple qu'il soit impossible d'en apercevoir et d'en indiquer le plan, de découvrir ses intentions. Au lieu de machiner une aventure et de la dérouler de façon à la rendre intéressante jusqu'au dénouement, il prendra son ou ses personnages à une certaine période de leur existence et les conduira, par des transitions naturelles, jusqu'à la période suivante. Il montrera de cette façon tantôt comment les esprits se modifient sous l'influence des circonstances environnantes, tantôt comment se développent les sentiments et les passions, comment on s'aime, comment on se hait, comment on se bat dans tous les milieux sociaux, comment luttent les intérêts bourgeois, les intérêts d'argent, les intérêts de famille, les intérêts politiques. L'habileté de son plan ne consistera donc point dans l'émotion ou dans le charme, dans un début attachant ou dans une catastrophe émouvante, mais dans le groupement adroit des petits faits constants d'où se dégagera le sens définitif de l'œuvre. S'il fait tenir dans 300 pages 10 ans d'une vie pour montrer qu'elle a été, au milieu de tous les êtres qui l'ont entourée, sa signification particulière et bien caractéristique, il devra savoir éliminer, parmi les menus événements innombrables et quotidiens, tous ceux qui lui sont inutiles et mettre en lumière d'une façon spéciale tous ceux qui seraient demeurés inaperçus pour des observateurs peu clairvoyants et qui donnent au livre sa portée, sa valeur d'ensemble. On comprend qu'une semblable manière de composer, si différente de l'ancien, procédé, visible à tous les yeux, déroute souvent les critiques et qu'il ne découvre pas tous les fils si minces, si secrets, presque invisibles, employés par certains artistes modernes à la place de la ficelle unique qui avait nom, l'intrigue. En somme, si le romancier d'hier choisissait et racontait les crises de la vie, les états aigus, de l'âme et du cœur, le romancier d'aujourd'hui écrit l'histoire du cœur, de l'âme et de l'intelligence à l'état normal. Pour produire l'effet qu'il poursuit, c'est-à-dire l'émotion de la simple réalité, et pour dégager l'enseignement artistique qu'il en veut tirer, c'est-à-dire la révélation de ce qu'est véritablement l'homme contemporain devant ses yeux, il devra n'employer que des faits d'une vérité irrécusable et constante. Mais en se plaçant au point de vue même de ces artistes réalistes, on doit discuter et contester leur théorie qui semble pouvoir être résumée par ces mots « Rien que la vérité est toute la vérité ». Leur intention étant de dégager la philosophie de certains faits constants et courants, ils devront souvent corriger les événements au profit de la vraisemblance et au détriment de la vérité, car le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable. Nos réalistes, s'il est un artiste, cherchera non pas à nous montrer la photographie banale de la vie, mais à nous en donner la vision plus complète, plus saisissante, plus probante que la réalité même. Raconter tout serait impossible, car il faudrait alors un volume, au moins par journée, pour énumérer les multitudes d'incidents insignifiants qui emplissent notre existence. Un choix s'impose donc, ce qui est une première atteinte à la théorie de toute la vérité. La vie, en outre, est composée de choses les plus différentes, les plus imprévues, les plus contraintes, les plus disparates. Elle est brutale, sans suite, sans chaîne, pleine de catastrophes inexplicables, illogiques et contradictoires qui doivent être classées au chapitre « faits divers ». Voilà pourquoi l'artiste, ayant choisi son thème, ne prendra dans cette vie encombrée de hasard et de futilité que les détails caractéristiques utiles à son sujet, et il rejettera tout le reste, tout l'à côté. Un exemple entre mille. Le nombre des gens qui meurent chaque jour par accident est considérable sur la Terre. Mais pouvons-nous faire tomber une feuille sur la tête d'un personnage principal ou le jeter sous les roues d'une voiture au milieu d'un récit, sous prétexte qu'il faut faire la part de l'accident? La vie encore laisse tout au même plan, précipite les faits ou les traîne indéfiniment. L'art, au contraire, consiste à user de précautions et de préparations, aménager des transitions savantes et dissimulées, à mettre en pleine lumière par la seule adresse de la composition, les événements essentiels et à donner à tous les autres le degré de relief qui leur convient, suivant leur importance, pour produire la sensation profonde de la vérité spéciale qu'on veut montrer. Faire vrai consiste donc à donner l'illusion complète du vrai, suivant la logique ordinaire des faits, et non à les transcrire servilement dans le pêle-mêle de leur succession. J'en conclus que les réalistes de talent devraient s'appeler plutôt des illusionnistes. Quel enfantillage d'ailleurs de croire à la réalité puisque nous portons chacun la nôtre dans notre pensée et dans nos organes. Nos yeux, nos oreilles, notre odorat, notre goût, différents, créent autant de vérités qu'il y a d'hommes sur la terre. Et nos esprits, qui reçoivent les instructions de ces organes, diversément impressionnés, comprennent, analysent et jugent comme si chacun de nous appartient à une autre race. Chacun de nous se fait donc simplement une illusion du monde, illusion poétique, sentimentale, joyeuse, mélancolique, sale ou lugubre, suivant sa nature. Et l'écrivain n'a d'autre mission que de reproduire fidèlement cette illusion avec tous les procédés d'art qu'il a appris et dont il peut disposer. Illusion du beau, qui est une convention humaine. Illusion du laid, qui est une opinion changeante. Illusion du vrai, jamais immuable. Illusion de l'ignoble qui attire tant d'êtres. Les grands artistes sont ceux qui imposent à l'humanité leur illusion particulière. Ne nous fâchons donc pas contre aucune théorie puisque chacune d'elles est simplement l'expression généralisée d'un tempérament qui s'analyse. Il en est deux surtout qu'on a souvent discuté en les opposant l'une à l'autre, au lieu de les admettre l'une et l'autre, celle du roman d'analyse pure et celle du roman objectif. Les partisans de l'analyse demandent que l'écrivain s'attache à indiquer les moindres évolutions d'un esprit et tous les mobiles les plus secrets qui déterminent nos actions en accordant au fait lui-même qu'une importance très secondaire. Il est le point d'arrivée, une simple borne, le prétexte du roman. Il faudrait donc, d'après eux, écrire ces œuvres précises et rêver où l'imagination se confond avec l'observation à la manière d'un philosophe composant un livre de psychologie, exposer les causes en les prenant aux origines les plus lointaines, dire tous les pourquoi de tous les vouloirs et discerner toutes les réactions de l'âme agissant sous l'impulsion des intérêts, des passions ou des instincts. Les partisans de l'objectivité, quel vilain mot, prétendant au contraire nous donner la représentation exacte de ce qui a lieu dans la vie, évite avec soin toute explication compliquée, toute dissertation sur les motifs et se borne à faire passer sous nos yeux les personnages et les événements. Pour eux, la psychologie doit être cachée dans le livre, comme elle est cachée en réalité sous les faits dans l'existence. Le roman, conçu de cette manière, y gagne de l'intérêt, du mouvement dans le récit, de la couleur, de la vie remuante. Donc, au lieu d'expliquer longuement l'état d'esprit d'un personnage, des écrivains objectifs cherchent l'action ou les gestes que cet état d'âme doit faire accomplir fatalement à cet homme dans une situation déterminée. Et ils le font se conduire de telle manière, d'un bout à l'autre du volume, que tous ces actes, tous ces mouvements soient le reflet de la nature intime, de toutes ses pensées, de toutes ses volontés ou de toutes ses hésitations. Elles cachent donc la psychologie au lieu de l'étaler. Ils en font la carcasse de l'œuvre comme l'ossature invisible est la carcasse du corps humain. Le peintre qui fait notre portrait ne montre pas notre squelette. Il me semble aussi que le roman exécuté de cette façon y gagne en sincérité. Il est d'abord plus vraisemblable car les gens que nous voyons agir autour de nous ne nous racontent point les mobiles auxquels ils obéissent. Il faut ensuite tenir compte de ce que, si à force d'observer les hommes, nous pouvons déterminer leur nature assez exactement pour prévoir leur manière d'être dans presque toutes les circonstances, si nous pouvons dire avec précision « tel homme de tel tempérament dans tel cas fera ceci », il ne s'ensuit point que nous puissions déterminer une à une toutes les secrètes évolutions de sa pensée qui n'est pas la nôtre, toutes les mystérieuses sollicitations de ses instincts qui ne sont pas pareilles aux nôtres, toutes les incitations confuses de sa nature dont les organes, les nerfs, le sang, la chair sont différents des nôtres. Quel que soit le génie d'un homme faible, doux, sans passion, aimant uniquement la science et le travail, jamais il ne pourra se transporter assez complètement dans l'âme et dans le corps d'un gaillard exubérant, sensuel, violent, soulevé par tous les désirs et même par tous les vices, pour comprendre et indiquer les impulsions et les sentiments les plus intimes de cet être si différent, alors même qu'il peut fort bien prévoir et raconter tous les actes de sa vie. En somme, celui qui fait de la psychologie pure ne peut que se substituer à tous ces personnages dans les différentes situations où il les place, car il lui est impossible de changer ses organes, qui sont les seuls intermédiaires entre la vie extérieure et nous, qui nous imposent leur perception, déterminent notre sensibilité, créent en nous une âme essentiellement différente de toutes celles qui nous entourent. Notre vision, notre connaissance du monde acquise par le secours de nos sens, nos idées sur la vie, Nous ne pouvons que les transporter en partie dans tous les personnages dont nous prétendons dévoiler l'être intime et inconnu. C'est donc toujours nous que nous montrons dans le corps d'un roi, d'un assassin, d'un voleur ou d'un honnête homme, d'une courtisane, d'une religieuse, d'une jeune fille ou d'une marchande de halles, car nous sommes obligés de nous poser ainsi le problème. Si j'étais roi, assassin, voleur, courtisane, religieuse, jeune fille ou marchande de halles, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je penserais? Comment est-ce que j'agirais? Nous ne diversifions donc nos personnages qu'en changeant l'âge, le sexe, la situation sociale et toutes les circonstances de la vie de notre moi que la nature a entouré d'une barrière d'organes infranchissable. L'adresse consiste à ne pas laisser reconnaître ce moi par le lecteur sous tous les masques divers qui nous servent à le cacher. Mais si, au seul point de vue de la complète exactitude, la pure analyse psychologique est contestable, elle peut cependant nous donner des œuvres d'art aussi belles que toutes les autres méthodes de travail. Voici aujourd'hui les symbolistes. Pourquoi pas? Leur rêve d'artiste est respectable. Et ils ont cela de particulièrement intéressant, qu'ils savent et qu'ils proclament l'extrême difficulté de l'art. Il faut être en effet bien fou, bien audacieux, bien outrecuidant ou bien sot pour écrire encore aujourd'hui. Après tant de maîtres aux natures si variées et aux génies si multiples, que reste-t-il à faire qui n'ait été fait? Que reste-t-il à dire qui n'ait été dit? Qui peut se vanter, parmi nous, d'avoir écrit une page, une phrase, qui ne se trouve déjà à peu près pareille quelque part? Quand nous lisons, nous, si saturés d'écriture française que notre corps entier nous donne l'impression d'être une pâte faite avec des mots, trouvons-nous jamais une ligne, une pensée, qui ne nous soit familière, dont nous n'ayons eu au moins le confus pressentiment? L'homme qui cherche seulement à amuser son public par des moyens déjà connus écrit avec confiance, dans la candeur de sa médiocrité, des œuvres destinées à la foule ignorante et désœuvrée. Mais ceux sur qui pèsent tous les siècles de la littérature passée, ce que rien ne satisfait, que tout dégoûte, parce qu'ils rêvent mieux, à qui tout semble défloré déjà, à qui leur œuvre donne toujours l'impression d'un travail inutile et commun, on arrive à juger l'art littéraire, une chose insaisissable, mystérieuse, que nous dévoilent à peine quelques pages des plus grands maîtres. 20 vers, 20 phrases, lus tout à coup, nous font tressaillir jusqu'au cœur comme une révélation surprenante. Mais les vers suivants ressemblent à tous les vers. La prose qui coule ensuite ressemble à toutes les proses. Les hommes de génie n'ont point sans doute ces angoisses et ces tourments parce qu'ils portent en eux une force créatrice irrésistible. Ils ne se jugent pas eux-mêmes. Les autres, nous autres qui sommes simplement des travailleurs conscients et tenaces, nous ne pouvons lutter contre l'invincible découragement que par la continuité de l'effort. Deux hommes, par leurs enseignements simples et lumineux, m'ont donné cette force de toujours tenter, Louis Bouilhet et Gustave Flaubert. Si je parle ici d'eux et de moi, c'est que leurs conseils, résumés en peu de lignes, seront peut-être utiles à quelques jeunes gens moins confiants en eux-mêmes qu'on ne l'est d'ordinaire quand on débute dans les lettres. Bouilhet, que je connus le premier d'une façon un peu intime, 2 ans environ avant de gagner l'amitié de Flaubert, à force de me répéter que 100 vers, peut-être moins, suffisent à la réputation d'un artiste, s'ils sont irréprochables et s'ils contiennent l'essence du talent et de l'originalité d'un homme, même, de second ordre, me fit comprendre que le travail continuel et la connaissance profonde du métier peuvent, un jour, de lucidité, de puissance et d'entraînement, par la rencontre heureuse d'un sujet concordant bien avec toutes les tendances de notre esprit, amener cette éclosion de l'œuvre courte, unique et aussi parfaite que nous la pouvons produire. Je compris ensuite que les écrivains les plus connus n'ont presque jamais laissé plus d'un volume et qu'il faut avant tout avoir cette chance de trouver et de discerner au milieu de la multitude des matières qui se présentent à notre choix, celle qui absorbera toutes nos facultés, toute notre valeur, toute notre puissance artiste. Plus tard, Flaubert, que je voyais quelquefois, se prit d'affection pour moi. J'osais lui soumettre quelques essais. Il les lut avec bonté et me répondit. Je ne sais pas si vous avez du talent. Ce que vous m'avez apporté prouve une certaine intelligence, mais n'oubliez point ceci, jeune homme, que le talent, suivant le mot de Buffon, n'est qu'une longue patience. Travaillez. » Je travaillais, et je revins souvent chez lui, comprenant que je lui plaisais, car il s'était mis à m'appeler, en riant, son disciple. Pendant 7 ans, je fis des vers, je fis des contes, je fis des nouvelles, je fis même un drame détestable. Il n'en est rien resté. Le maître lisait tout, puis le dimanche suivant, en déjeunant, développait ses critiques et renforçait en moi, peu à peu, 2 ou 3 principes qui sont le résumé de ses longs et patients enseignements. Si on a une originalité, disait-il, il faut avant tout la dégager. Si on n'en a pas, il faut en acquérir une. Le talent est une longue patience. Il s'agit de regarder tout ce qu'on peut exprimer assez longtemps et avec assez d'attention pour en découvrir un aspect qui n'ait été vu et dit par personne. Il y a dans tout de l'inexploré, parce que nous sommes habitués à ne nous servir de nos yeux qu'avec le souvenir de ce qu'on a pensé avant nous, sur ce que nous contemplons. La moindre chose contient un peu d'inconnu. Trouvons-le. Pour décrire un feu qui flambe et un arbre dans une plaine, demeurons en face de ce feu et de cet arbre jusqu'à ce qu'il ne ressemble plus, pour nous, à aucun autre arbre et à aucun autre feu. C'est de cette façon qu'on devient original. Ayant en outre posé cette vérité qu'il n'y a pas, de par le monde entier, de grains de sable, de mouches, de mains ou de nez absolument pareils, il me forçait à exprimer, en quelques phrases, un être ou un objet de manière à le particulariser nettement, à le distinguer de tous les autres êtres ou de tous les autres objets, de même race ou de même espèce. Quand vous passez, me disait-il, devant un épicier assis sur sa porte, devant un concierge qui fume sa pipe, devant une station de fiacre, montrez-moi cet épicier et ce concierge. Leur pose, toute leur apparence physique, contenant aussi, indiquée par l'adresse de l'image, toute leur nature morale, de façon à ce que je ne les confonde avec aucun autre épicier ou avec aucun autre concierge, et faites-moi voir, par un seul mot, en quoi un cheval de fiacre ne ressemble pas aux 50 autres qui le suivent et le précèdent. J'ai développé ailleurs ces idées sur le style. Elles ont de grands rapports avec la théorie de l'observation que je viens d'exposer. Quelle que soit la chose qu'on veut dire, il n'y a qu'un mot pour l'exprimer, qu'un verbe pour l'animer et qu'un adjectif pour la qualifier. Il faut donc chercher, jusqu'à ce qu'on les ait découverts, ce mot, ce verbe et cet adjectif, et ne jamais se contenter de l'à peu près, ne jamais avoir recours à des supercheries, même heureuses, à des clowneries de langage pour éviter la difficulté. On peut traduire et indiquer les choses les plus subtiles en appliquant ce vers de Boileau « D'un mot mis en sa place enseigna le pouvoir ». Il n'est point besoin du vocabulaire bizarre, compliqué, nombreux et chinois qu'on vous impose aujourd'hui sous le nom d'écriture artiste pour fixer toutes les nuances de la pensée. Mais il faut discerner avec une extrême lucidité toutes les modifications de la valeur d'un mot suivant la place qu'il occupe. Ayons moins de noms, de verbes et d'adjectifs au sens presque insaisissable, mais plus de phrases différentes, diversément construites, ingénieusement coupées, pleines de sonorités et de rimes savants. Efforçons-nous d'être des stylistes excellents plutôt que des collectionneurs de termes rares. Il est en effet plus difficile de manier la phrase à son gré, de lui faire tout dire, même ce qu'elle n'exprime pas, de remplir des sous-entendus d'intentions secrètes et non formulées, que d'inventer des expressions nouvelles ou de rechercher au fond des vieux livres inconnus toutes celles dont nous avons perdu l'usage et la signification et qui sont pour nous comme des verbes morts. La langue française, d'ailleurs, est une eau pure que les écrivains maniérés n'ont jamais pu et ne pourront jamais troubler. Chaque siècle a jeté dans ce courant limpide ses modes, ses archaïsmes prétentieux et ses préciosités, sans que rien surnage de ses tentatives inutiles, de ses efforts impuissants. La nature de cette langue est d'être claire, logique et nerveuse. Elle ne se laisse pas affaiblir, obscurcir ou corrompre. ceux qui font aujourd'hui des images sans prendre garde aux termes abstraits, ceux qui font tomber la grêle ou la pluie sur la propreté des vitres, peuvent aussi jeter des pierres à la simplicité de leurs confrères. Elles frapperont peut-être les confrères qui ont un corps, mais n'atteindront jamais la simplicité qui n'en a pas.